On continue à dérouler l'aspect française avec Dark Old Slave qui nous venait de Lille. On passe maintenant à Acode qui nous vient de Marseille, le groupe de Black Death poséidonien qui nous sort un nouvel EP, toujours une sortie chez les Acteurs de l'Ombre. Cryptic Curse, ce nouvel effort studio. Trois titres, hein, voilà, ça va au plus simple, mais le groupe reste très dynamique et prolifique. En doublette avec Acode, on retrouve The Great Procession. Là, on est sur une formation qui nous sort son premier album studio en fin d'année dernière. On est sur du post-metal au sens large. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça nous vient donc de l'est de la France. Au niveau des influences, ils vont chercher ce qui peut se rapprocher d'un Neurosis, Cult of Luna et autres Amenra. On a des sonorités indus sur des passages post-hardcore ou même sludge. Voilà, une ambiance atmosphérique plutôt pesante et menaçante tout du long de l'album. À Code, on va s'écouter le titre de l'EP, Cryptic Curse, donc The Great Procession. Ensuite, on s'écoutera The Upper Part of Universe, extrait de l'album éponyme The Great Procession. C'est parti. Doublette suivante, Faust enchaîné à l'Omor. Faust, tout d'abord, c'est un one-man band. On est, sans trop de surprise du coup, sur du black metal. Black death même, tendance mélodique inspirée des 90s venue de Suède. Je dis beaucoup 90s ce soir. Voilà, le premier album est sorti donc à la toute fin de l'année 2022. Sur un label suédois, la boucle est donc bouclée. 8 titres pour 35 minutes, c'est bien foutu. Et les riffs sonnent vraiment comme la période Storm of the Light Band. Voilà, les grandes inspirations, bien sûr, Toolkandra, Sacramentum, Dissection, ça tourne autour du même pot. Faust, Death from Beyond, c'est le nom de ce premier album studio. Et ensuite, nous aurons L'Omor, une formation qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Précédemment, on avait de Réunion, pardon, puisque précédemment on avait Red Sphere qui nous venait de Nouvelle-Calédonie, et là voilà, encore dans les îles françaises, L'Omor, ce qui nous vient de la Réunion. Perseverance of Sickness, c'est le nom de ce premier effort studio longue durée. On est sur du trash, c'est efficace, hein, grande inspiration entre Evil et Metallica des années 80. 80s. Voilà donc Faust, To Death and Beyond, L'Omor, Cagnard, L'Enfer, forcément, Perseverance of Sickness, c'est le nom de leur album, c'est parti. Yeah. Doublette suivante, doublette de nouveautés, et on va ainsi préclôturer l'aspect française avec tout d'abord une formation qui s'appelle La Hesse. On est sur du Metal Extrême qui nous vient de la région lyonnaise, donc c'est une sortie de premier EP, rue de l'Œuvre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation ? C'est un line-up assez proche. J'ai mes notes qui se mettent un petit peu de temps à ouvrir, hein, donc je meuble autant que possible. Voilà. Groupe de punk hardcore un peu sludgy qui nous vient donc des environs de Lyon. Ça tourne autour des prods du label Lixiviat, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve des icos de Civilian Thrower, Love Gun, Ordure et autres RAN. Voilà, c'est lourd, c'est crado, c'est hargneux à la fois. Et puis, tout est absolument parfait, du titre de l'album à l'artwork de l'album. Bon, les morceaux font globalement autour de une trentaine de minutes. Voilà, c'est La Hesse, ça demande à être découvert. Et Inderwelt, ensuite, là on est sur un autre groupe de post-metal hardcore qui nous vient cette fois de Clermont-Ferrand, un peu comme eux, The Great Procession qu'on vous a diffusé tout à l'heure. Inderwelt, donc des compos qui durent à peu près 4 minutes, sans longueur. Là on peut être sur des trucs un peu plus hypnotiques avec The Great Procession. Voilà, c'est lourd, c'est atmosphérique, c'est torturé et ça s'écoute, bah, encore une fois, plutôt bien. Inderwelt, c'est le nom de leur album. On s'écoutera le titre Persona et juste avant ça La Hesse avec le morceau Mal Partout, extrait de l'album Rue de l'Œuvre. Si, c'est vrai. vous êtes le pain, vous devenez un présent infini comme l'espace. 21h32 à la pendule de Radio Béton, ça va bientôt être l'heure de clôturer pour de vrai l'aspect française avec un dernier focus pour ce soir. Et juste avant ça, les petites annonces de concerts. Alors on essaye de faire ça par chronologie, hein, parce qu'on a tout d'abord le 28 mars, une soirée Catharsis avec le groupe de black suédois Ultra Sylvam, qui pour l'occasion sera accompagné de Gleichmacher, groupe de black qui nous vient d'Allemagne. Voilà, une soirée Catharsis Asso, donc c'est 5 balles et c'est bien évidemment toujours aux Canadiennes. On a ensuite le 1er avril, là c'est une date au Bateau Ivre organisée par Riposte. Il y a AO, Final Showdown et j'ai oublié le troisième groupe qui les accompagne. Donc là, c'est une soirée en soutien au Ripfest. Ripfest qui a d'ailleurs annoncé Chromax ces derniers jours en tant que headliner. Hierao, c'est ça. Nous aurons ensuite le mercredi 12 avril une seconde orga Something for the Youth qui nous avait offert Sorcerer il y a quelques mois au Cana. Sauf que là, ça se passera au club du Temps Machine. Et que nous aurons Gates of Hell, groupe de death hardcore américain. Nous aurons également Take It in Blood, groupe de hardcore parisien. Cruelty, groupe de death hardcore, Bulldo Death Hardcore qui nous vient du Japon. Et Warsdopt pour clôturer la soirée. Et enfin, le 15 avril, une autre orga Catharsis. Rotten, le groupe de Death Soul School avec des membres de Pulmonary Fibrosis, Trepanator et The Bottle Doom Lazy Band qui accompagnera Witches, et oui, le vieux groupe de Trash Death français Ultra Kali qui nous a vraiment séduit sur scène il y a quelques temps au Muscadès. Voilà, et donc ça, encore une soirée Catharsis, c'est donc 5 balles au Cana et ce sera le 15 avril. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour des annonces de concerts qu'on avait à préciser. Retour à la presque musique avec du coup ta troisième présentation pour ce soir. Ouais, complètement, et je vais rebondir comme si c'était fait exprès, mais pas du tout, parce que c'est un groupe de death metal avec une chanteuse. Du coup, ça fait le petit lien avec Witches, allez les voir, ça va être génial. Donc un groupe qui s'appelle Anachronisme, qui nous vient de Lausanne. Ils sortent leur troisième album. Alors c'est un groupe qui s'est formé en 2009. Ils font globalement du technical death. Alors pour le coup, c'est vraiment très très riche. On va revenir dessus, mais c'est technical death plus pour le coup. Un premier album donc en 2012, Senseless. J'ai pas réussi à le trouver en écoute, donc je sais pas ce qu'il vaut. Et impossible de mettre la main dessus. J'ai fouillé, mais j'ai pas réussi à mettre la main ni les oreilles dessus. Donc j'enchaîne avec l'album de 2018, Orogénie. Globalement, ils ont un son qui est un petit peu moins froid, donc un petit peu plus chaud du coup que ce nouvel album qui vient de sortir. Moins technique, mais tellement violent. C'est un album que j'ai vraiment adoré. On reviendra un petit peu sur la pochette qui est sublime également. Et donc là, ils sortent leur troisième album, Minders. Qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, une sortie donc chez Unorthodox Emanation. Je vais y arriver. C'est la fin de soirée. Que dire donc sur cet album ? On a déjà le visuel que moi tout de suite j'accroche en fait. C'est globalement, je jette un œil dessus, je regarde l'album et je fais waouh. Déjà rien que le visuel, il t'attire l'œil. Et c'est sans grande surprise que je retrouve le nom de Adam Burke derrière. Donc cette pochette et la pochette précédente qui sont signées donc de cet artiste que je trouve vraiment incroyable, qui signe des pochettes systématiquement grandioses. Il a un style qu'on reconnaît de ouf. Dans les dernières sorties qu'on a diffusées de lui, j'avais noté Sisyphean. On a également Vorga et je pense particulièrement les Français de Griffon qui avaient également fait leur dernier album. Systématiquement, il y a une espèce d'effet waouh. Quand tu regardes la pochette, t'as toujours quelque chose qui se dégage et ça attire l'œil. Et pour moi, systématiquement, tu vois une pochette comme ça, t'as un espèce de gage de perfectionnisme qui vient par-dessus, qui dit c'est un artiste qui a voulu véhiculer quelque chose de grandiose, millimétré dans ce qu'il propose, et ça se ressent rien que dans le visuel. Et musicalement, donc le travail de Anachronisme, c'est ça, c'est quelque chose de très technique, de perfectionniste, et il y a un aspect qui est très mécanique, très froid dans ce qu'il propose. C'est dissonant, c'est étouffant, c'est riche, à vraiment à pu savoir quoi en faire, parce qu'il y en a vraiment dans tous les sens, littéralement. Et ce que j'aime tout particulièrement avec ce projet, moi, ça a été un gros coup de cœur, parce que il y a quelque chose, moi, avec des trucs trop techniques, des fois je décroche parce que ça me saoule, je trouve ça pompeux, et là non, là tu te fais pas chier, parce que c'est vraiment au service de cette ambiance très froide, très mécanique qui est proposée. Et moi, ça m'a vraiment permis d'accrocher de ouf dans ce qu'ils ont proposé, parce que malgré tout, t'as l'ambiance dans la musique qui prime sur le côté technique démonstratif. C'est vraiment la technicité est là au service des ambiances et pas l'inverse. Et je trouvais ça vraiment cool. On écoute un petit bout de morceau. Si t'as encore des trucs à raconter derrière. J'ai encore des petits trucs à raconter derrière. Bah ouais, carrément, on va s'illustrer le focus tout de suite avec un extrait de cet album de Anachronisme, avec le morceau Mirage. Peut-être un mot à dire sur le choix de ce morceau. Un morceau très très riche, on reviendra dessus, mais je trouve qu'il y a un travail sur les sons en général qui est super intéressant, parce que le groupe joue beaucoup avec plein de sonorités différentes, et on sent qu'ils maîtrisent leurs instruments, mais qu'ils poussent les instruments au-delà en termes de sonorités. Ils utilisent des Larsen, des choses comme ça qui vont un petit peu au-delà de l'instrument en lui-même, et je trouve que c'est assez bien mis en avant dans ce morceau. Et ben c'est parti, Anachronisme, le titre Mirage, pour illustrer au milieu de ce focus de leur album Meanders. Hop, on se retrouve pour clôturer du coup la présentation de ce troisième focus pour aujourd'hui. Focus consacré à Anachronisme qui nous vient de Suisse. Ouais, bah voilà, donc moi c'est vraiment un projet qui m'a mis une grosse claque. C'était vraiment un petit coup de cœur la découverte de ce projet parce que ça fonctionne super bien. On en parlait un peu en off, mais sur ce genre de groupe où tu as tendance des fois à être un petit peu noyé dans la somme de notes et de technicité. Là, il y a des moments qui respirent, il y a des moments où la musique prend son temps pour poser, justement ce que je disais, une ambiance. Et c'est ce qui fait que c'est pas étouffant, c'est pas trop éprouvant à écouter, même si clairement ça demande de quelques écoutes. Et ça demande aussi des fois d'avoir son cerveau un petit peu allumé pendant que tu profites du truc. Voilà. Mais dans l'ensemble, t'as quand même des moments où tu respires et où tu t'es pas étouffé par la musique. Et moi, je reviens un petit peu sur l'aspect du groupe, donc avec la chanteuse qui est présente. Et je trouve que toujours quand tu as une chanteuse avec une voix féminine dans le death metal, tu as quelque chose qui... Alors tu as un son qui est moins caverneux naturellement dans le truc, mais du coup ça donne un aspect très froid et beaucoup plus incisif dans le chant. Et on parlait de Witches un petit peu, je trouve que je retrouvais ça aussi. Tu as ce côté-là qui est, que moi j'aime énormément, le fait d'avoir vraiment un chant... du chant death metal mais avec une femme, une tonalité féminine du coup beaucoup plus criard et agressif complètement, et je trouve que ça rend vraiment quelque chose de on va dire atypique déjà de base, mais en plus je trouve que ça matche super bien, et tout particulièrement avec un projet qui est aussi aussi froid et aussi mécanique dans son approche. Donc voilà, vraiment moi j'ai globalement c'est un travail qui est réussi où je disais t'as vraiment cet amour du son où ils triturent un petit peu leurs instruments pour arriver à faire sonner des choses que t'as pas forcément l'habitude d'entendre. Et bah voilà, un truc que j'ai vraiment adoré. Donc, je sais pas si t'avais quelque chose à compléter ou... Moi rien de plus. Ok. T'avais un mot à dire Sylvain toi dessus ou pas du tout? Non, t'as tout dit hein. Ce que je voulais juste ce qu'on a discuté un petit peu en antenne, c'est que ouais, c'est un style qui peut être très étouffant, très difficile à digérer, et Anachronisme en fait l'album il fait à peine 35 minutes et ils ont tout compris quoi. Ils ont des morceaux courts, ouais, aérés, et en fait ce qui est aussi bien c'est que la production elle est vraiment de qualité, on peut apprécier chaque instrument. Là sur le morceau qu'on a écouté par exemple, les lignes de basse ouais, complètement ouais, c'est ouais, du régal ouais, complètement. T'as les lignes de basse qui ressortent, puis le batteur qui est quand même assez monstrueux, qui te claque la tête sur tous les morceaux. T'as le batteur qui vient de claquer la tête, enfin, c'est vraiment excellent, vraiment un très très bon projet. Eh ben très bien, on enchaîne du coup avec le reste de la diff, et là on entre dans une autre spéciale puisque là on est sur 6 groupes complètement... Là on va du côté de l'Orient là tout simplement. Ouais ouais ouais, désoccidentalisés à fond puisqu'on a formation turque, iranienne, Arabie Saoudite, etc. Et c'est là où du coup tu vas prendre un petit peu plus la parole pour présenter la doublette suivante, Sermon et Tension Prophecy. Exactement, alors on va commencer donc avec Sermon qui est un groupe turc qui nous vient d'Izmir, qui nous fait du doom tendance gothique death metal. Alors la principale influence qu'on peut retrouver ça va être Paradise Lost, pour un petit peu situer le style de Sermon. C'est un groupe qui a d'abord été actif entre 1997 et 2004, qui a publié 3 démos avant de complètement disparaître. Et alors, est-ce que c'est à la faveur d'un confinement pour qui a un petit peu profité aux membres fondateurs pour relancer la machine? En tout cas, Sermon s'est reformé donc en 2021 et vient tout juste de sortir son premier album longue durée sur un label français, Bitume, qui est un label que je pense qu'on va assez régulièrement citer dans les émissions. D'ailleurs on en reparlera à la toute fin de l'émission. Donc voilà, bah Sermon, c'est du doom assez mélancolique, même presque funéraire dans ses ambiances, avec des lignes vocales extrêmes, de type là on est vraiment sur du growl, un petit peu comme ce que fait Nick Holmes en fait actuellement avec Paradise Lost. C'est un petit peu long, l'album il doit faire une bonne heure, il y a quelques longueurs, mais c'est vraiment très intéressant pour les amateurs de ce doom gothique qui nous renvoie un peu aux années 90. Et puis bah, je trouve qu'en plus l'album il a un titre assez original puisqu'il s'appelle Till Birth Do Us Part. Voilà, ça change de Till Death. Do Us Part, exactement. Et puis donc juste après Sermon, on va s'écouter un groupe qui nous vient d'Iran, Tension Prophecy. Alors ça c'est un groupe que tu as déjà présenté la semaine dernière, Ouais. qui est actif depuis une quinzaine d'années je crois. Exactement. Et qui sort son album chez Amputated Vein Records. Et là, par contre, on est sur du death qui tâche. Du death, ouais, qui est à la fois assez technique, brutal, mais il y a aussi des éléments finalement plus groovy, moderne, metal, qui rappellent un petit peu bah, ce que fait actuellement Man Must Die. Donc c'est vraiment un mélange d'influences, ce qui nous donne une recette riche, mais parfois ça manque un peu de cohérence. Il y a même quelques touches, on est presque sur du néo-metal par moment sur quelques couplets, donc ça peut un peu surprendre. Mais à côté de ça, c'est un groupe bah, vraiment intéressant, qui a une musique technique. Mais ça déménage aussi et des petites influences aussi un peu tribales et petits éléments moyen-orientaux qui viennent enrichir leur musique. Donc voilà. D'ailleurs, l'album s'appelle Tubal Hatred. Donc ça fait le Ça lien. pose le décor. Et bien, du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite un morceau de Sermon et donc de Tension Prophecy avec les morceaux Silver Splinter de Sermon et ensuite un petit jeu de mots sympa aussi pour Tension Prophecy avec le morceau Misanthropy. Save your soul. Save your boyfriend.